Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Ouba Mouen La Janchoula, Salmana, Bafé Mouen Fashi Yavéo, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Ouba Mouen La Janchoula, Salmana, Bafé Mouen Fashi Yavéo, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Oui La Janchoula, Salmana, Ouba Mouen De Koumama, Salmana, Ouba Mouen La Janchoula, Salmana, Ouba Mouen La Janchoula, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Ouba Mouen La Janchoula, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Ba fè mwen goumè yè vè, Salmana, Ba pote la jamba mwen, Salmana, Ba mwen la janchoula, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Salmana la janchoula, Salmana, Salmana la janchoula, Salmana, Ba mwen de Koumama, Salmana, Oui ba mwen la janchoula, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Ba mwen la janchoula, Salmana, Ba fè mwen kolè yè vè, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana, Oui la janchoula mwen la, Salmana, Salmana. Koulé Koumama, Salmana, Ba fè mwen kolè pi, Salmana, Ba mwen la janchoula, Salmana, Oulé Koulé Koumama, Salmana.